Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 10, traits caractéristiques de la religion du peuple. Somme de connaissances religieuses, Dieu, génie et esprit malin, les esprits lamaïens et Dutpo, légende sur l'Amo, Tsangpa et Chagdor, prière. Somme de connaissances religieuses. Une religion qui contient tant de spéculations philosophiques et se divise en tant de systèmes, écoles et sectes différents, ne peut évidemment pas être connue dans sa plénitude par les basses classes qui forment la masse de la population. Elle n'est intelligible que pour ceux qui possèdent un certain degré d'instruction. Xoma qui, pendant ses études, prêta une grande attention à la somme générale de connaissances religieuses dans les diverses classes de la société tibétaine, donne les détails suivants dans ses notices du journal asiatique. Les systèmes Vaibhashika, Sautrantika, Yogacharya et Madhyamika sont bien connus de beaucoup de savants tibétains, mais beaucoup aussi ne les connaissent que de nom. Les ouvrages explicatifs des théories Yogacharya et Madhyamika ne peuvent être compris que par les savants, car ils emploient trop de termes abstraits et de distinctions subtiles. La plupart des gens religieux, ou du clergé, préfèrent les livres tantrika, le kanjur, le dulva ou discipline et quelques extraits du Do ou Sutra. Il ajoute que les Tibétains sont assez familiarisés avec les dogmes des trois véhicules, tibétain tepazoam, sanskrit triyana. Ce dogme, emprunté à l'école Mahayana, est expliqué avec détail dans les abrégés tibétains appelés lamrin ou chemin graduel de perfection. Le plus en renom de ces traités a été écrit par Tsongkhapa. L'argumentation de ces livres est tirée de la considération que les dogmes du Bouddha s'appliquent aussi bien aux intelligences les plus faibles qu'aux plus élevées, puisqu'ils contiennent des principes bas ou vulgaires, moyens et sublimes. Ainsi de la connaissance de chacune de ces classes découle un degré particulier de perfection. Ils décrivent ensuite, dans les termes suivants, ce qu'un homme doit croire selon ses moyens. 1. Les hommes d'intelligence vulgaire doivent croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a une vie future où ils récolteront le fruit de leurs œuvres en cette vie terrestre. 2. Ceux qui ont un degré moyen d'intelligence, outre qu'ils admettent ces premières propositions, doivent savoir que toute chose composée est périssable, qu'il n'y a point de réalité dans les choses, que toute imperfection est douleur et que la délivrance de la douleur, ou existence corporelle, constitue le bonheur final, ou béatitude. 3. Les plus intelligents doivent savoir en plus des dogmes ci-dessus énoncés que, depuis le corps ou dernier objet jusqu'à l'âme suprême, rien n'existe par soi-même, qu'on ne peut pas dire que rien ne saurait exister toujours ou cesser absolument, mais que tout existe par dépendance ou connexion causale ou concaténation. 4. Dans la pratique, les intelligences vulgaires se contentent de l'exercice des 10 vertus. Les moyennes remplissent les 10 vertus et s'efforcent d'exceller en moralité, méditation et habileté ou sagesse. Les esprits sublimes pourront à ces vertus premières joindre la pratique des 6 vertus transcendantes. Il y a donc 3 degrés distincts dans le summum bonum de béatitude ou de perfection. Les uns se contentent d'une heureuse transmigration et bornent leur désir à renaître comme Dieu, homme ou Asura, D'autres espèrent être récompensés par la renaissance Asukhavati et la délivrance de la douleur et de l'existence corporelle. Une troisième classe ne veut pas seulement atteindre Nirvana, mais aussi en montrer plus tard le chemin aux autres comme très parfait Bouddha. Ce pouvoir ne peut appartenir qu'à ceux qui entrent dans le clergé ou, selon l'expression des lamas, qui prennent les vœux d'hommes. De nombreuses légendes expliquent les mérites qui s'acquièrent par l'entrée dans les ordres religieux, et affirment la nécessité de cette détermination. L'idée que les laïcs ne peuvent atteindre le Bodhi dans leur existence actuelle, mais seulement dans l'avenir, est devenue un véritable dogme. Leurs occupations religieuses leur assurent la récompense de renaître dans une heureuse condition ou dans le royaume céleste d'Amitabha, mais quant à atteindre au rang suprême de Bouddha, tous leurs efforts ne peuvent servir qu'à les y préparer. Clairs et intelligibles comme le sont ces principes, ils ont encore été trouvés trop savants pour les disciples laïcs du bouddhisme et, pour les répandre plus généralement, on a composé un code des 8 devoirs spéciaux, qui forme un résumé pratique des lois de la religion bouddhique. Voici comment Xoma traduit ce code populaire. 1. Chercher refuge dans Bouddha seulement. 2. Prendre la résolution de s'efforcer d'atteindre au plus haut degré de perfection, afin de s'unir à l'intelligence suprême. 3. Se prosterner devant l'image de Bouddha et l'adorer. 4. Déposer devant lui des offrandes agréables aux 6 sens, telles que lumière, fleurs, guirlandes, encens, parfums, toutes sortes de choses qui se mangent ou se boivent, crues ou préparées, des étoffes, des toiles pour vêtements ou tentures, etc. 5. Faire de la musique, chanter des hymnes, célébrer les louanges du Bouddha, de sa personne, de sa doctrine, de son amour, de sa miséricorde, de ses perfections ou attributs, de ses actes ou entreprises pour le bien de tous les êtres. 6. Confesser ses péchés d'un cœur contrit, en demander le pardon et prendre la résolution sincère de n'en plus commettre. 7. Se réjouir des mérites moraux de tous les êtres et souhaiter qu'ils puissent désormais obtenir la délivrance finale ou la béatitude. 8. Prier et supplier tous les Bouddhas qui sont en ce moment dans le monde de tourner la route de la religion, ou d'enseigner leur doctrine, et de ne pas quitter le monde trop tôt, mais d'y rester pendant plusieurs siècles ou kelpa. Les bouddhistes tibétains croient que bonheur et malheur proviennent également de l'intervention des dieux, des génies et des esprits malins. Les dieux sont très nombreux, ils tirent leur nature divine d'une parcelle de l'intelligence suprême, qui possède un pouvoir si grand et si illimité qu'elle peut se diviser entre un nombre infini de créatures. Tous les dieux sont donc des personnifications et des multiplications d'une seule et même sagesse suprême, créée dans le but de choisir le meilleur moyen de sauver l'humanité du samsara, le monde. En présence de tous ces dieux, les lamas soutenir avec emphase que le monothéisme est le véritable caractère du bouddhisme. Le nom collectif tibétain de ces divinités, dieu et génie, est la appellation similaire au sanskrit deva, qui signifie un dieu, une divinité. Ils ont tous un nom particulier sous lequel ils sont adorés, comme ils ont aussi chacun une sphère particulière, hors de laquelle ils n'ont aucun pouvoir, mais dans laquelle ils ne subissent l'influence d'aucun autre dieu. Ils assistent matériellement les hommes dans leurs entreprises et éloignent les dangers dont ils sont menacés, Action qui leur procure satisfaction et plaisir et qu'ils accomplissent dans un état de calme, ziva. Il y a des divinités mâles et femelles, ces dernières sont les épouses des dieux et tirent leur pouvoir de celui de leur époux, d'autres sont douées de puissances spéciales qui leur sont propres, parmi celles-ci sont les Sanvara, anti-tibétains de Shog, et les Eruka, génies féminins dont le pouvoir égale celui des Bouddhas et dont on trouve les images dans plusieurs tableaux religieux. Les esprits malins ont des noms qui expriment leur hostilité contre les hommes, tels que Da, ennemi, Jeg, diable. Les plus redoutés sont les Lameyens et les Doutpo. Aux Lameyens, parmi lesquels l'homme peut aussi renaître, sont soumis les Yaksha, les Naga, les Rakshasa et plusieurs autres groupes de mauvais esprits. Leurs adversaires particuliers sont quatre Maharajas, tibétains Jial Shenzi, qui habitent le quatrième gradin du Mont Meru. Parmi ces méchants esprits on doit remarquer tout particulièrement ceux qui causent le Dusmeyen Parshi, ou la mort prématurée. Selon la croyance des tibétains, la mort prématurée est celle qui, contrairement au cours ordinaire de la nature, est accéléré par les mauvais esprits, tels que Sringan, Deshad, Junkpo et d'autres. La conséquence de la mort prématurée est la prolongation du bardo. C'est l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance qui ne la suit pas immédiatement, cet intervalle est plus court pour les bons que pour les méchants. La prolongation de cet état intermédiaire est une punition causée par les mauvais esprits qui n'ont de pouvoir que sur les pécheurs. L'âme pendant ce temps n'a aucune forme et les malheureux qui sont la proie des esprits s'épuisent en vains efforts pour rentrer dans un corps. Alors ils apparaissent aux hommes sous l'aspect de morceaux de chair crue informe et ces visions sont regardées comme funestes, présage de maladie ou de mort. Les dharanis et des offrandes spéciales éloignent ces visions redoutées, les riches ont dans ce but des sentences magiques ou des traités imprimés, voici ceux que l'on rencontre le plus fréquemment. Chouachijial Poachedoul, briser le pouvoir de Chouachijial, épithète de Shinje. Tamdinjial Poisrinampa, soumettre l'honorable roi Tamdin. Drakpo Shinesreg, le cruel sacrifice. Jigrol Jipavo, le héros délivrant du danger, du bardo. Les Doutpo, serviteurs de Shinje, le juge des morts, appelé aussi Shinje, habite la région Paranirmita Vasavartin, qui exerce un pouvoir sur les métamorphoses produites par d'autres, la plus élevée dans le monde de désir. Il s'efforce d'empêcher le dépeuplement du monde en favorisant les mauvais désirs de l'homme et en éloignant les bodhisattvas du bodhi. Ce sont eux qui troublent la dévotion des bouddhistes assemblés et coupent court à la méditation la plus profonde en prenant la forme d'une femme admirablement belle, en suggérant des idées plaisantes, en affirmant que ceux qui ne prennent pas leur part des plaisirs de la vie doivent renaître en enfer et bien d'autres tours de même nature. Ce sont aussi ces mêmes esprits qui, quand l'heure de la mort a sonné, saisissent l'âme délivrée et l'amènent devant Shinje, leur roi, pour être jugé et condamné selon ses œuvres. La contradiction apparente de cette fonction avec leur tendance à pousser l'homme à se livrer au plaisir de l'existence s'explique par le dogme que naissance et déclin sont inséparables, d'où il résulte que les dieux provoquant l'existence mettent simultanément en action la puissance destructive, qui est l'inévitable conséquence de l'existence. Soumettre les mauvais esprits est l'un des devoirs les plus importants des dieux et des génies, Et ils prennent un aspect horrible quand ils les combattent. Dans ces terribles rencontres, ils deviennent positivement enflammés de colère. Tous les dieux peuvent, quand ils le veulent, soumettre les démons, mais il y en a une classe qui se sont voués spécialement à l'extermination des esprits malins. Vocation confirmée par un terrible serment entre les mains du Bouddha Vajradhara. Ces dieux sont nommés Drakshèdes, les cruels bourreaux. Selon les légendes, leur fureur contre les démons provient des innombrables tours dont ils ont été victimes. Il y a encore des subdivisions parmi les Drakshèdes. Celui qui est appelé Yabhyomshutpa, le père qui embrasse sa mère, outre qu'il peut tenir en échec toute une légion de démons, a encore le pouvoir de délivrer les hommes de leurs péchés, à la condition qu'ils se repentent sincèrement et confessent leur faute prosternée devant son image. Les représentations de ces dieux nous les montrent dans une curieuse position, avec une femme tendrement enlacée autour d'eux. En plus des nombreuses légendes racontées par Pallas sur les 8 Drakshèdes implorées de préférence par les Mongols, je joins ici les légendes de Lamo, sanskrit Kaladevi, Tsangpa, sanskrit Brahma, et Shakdor ou Shaknadorj, sanskrit Vajrapani, adversaire des démons. La déesse Lamo était mariée avec Shinje, roi des Dutpo qui, à l'époque de ce mariage, prit la forme du roi de Ceylan. Dans une prière adressée à cette déesse, elle est invoquée sous le nom de Rima. Cette légende est relatée dans le livre Pal dans la Moikangshag, se confesser devant la vénérable Lamo. Ce traité se lit quand on offre un sacrifice à la déesse. Un exemplaire de ce livre en tibétain et en mongol est à la bibliothèque de l'université de Saint-Pétersbourg. L'édition mongole présente quelques détails en kalmouk, qui n'existent pas dans la version tibétaine. La déesse avait fait vœu d'adoucir les habitudes cruelles et méchantes de son époux et de le bien disposer pour la religion du Bouddha, ou, si elle échouait, d'exterminer une race royale si hostile à sa croyance, par le meurtre des enfants qui pourraient naître de son mariage. Par malheur, il n'était pas en son pouvoir de changer les mauvais instincts de son époux et elle résolut de tuer son fils, tendrement aimé par le roi, qui voyait en lui l'instrument futur de la ruine complète du bouddhisme à Ceylan. Pendant une absence de ce monarque, la déesse met son projet à exécution, elle écorche vif son enfant, boit son sang dans son crâne et mange sa chair, puis elle quitte le palais et se dirige vers sa patrie septentrionale. De la peau de son fils, elle fait une selle pour le meilleur cheval des écuries du palais. À son retour, le roi, apprenant ce qui s'était passé, saisit un arc et avec une incantation terrible, décoche une flèche empoisonnée à sa redoutable épouse. La flèche frappe le dos du cheval et y reste fixée, mais la reine neutralise l'effet de l'imprécation, arrache l'arme mortelle et prononce la sentence suivante. Puisse la blessure de mon cheval devenir un œil assez large pour embrasser d'un seul regard les 24 régions et puisse-je moi-même exterminer la race de ces méchants rois de Ceylan. Elle continue son voyage vers le nord, traversant en grande hâte l'Inde, le Tibet, la Mongolie, une partie de la Chine, puis elle s'arrête sur le mont Wakan dans le district d'Olgon, que l'on suppose situé dans la Sibérie orientale. Cette montagne est, dit-on, entourée par de vastes et inhabitables déserts et par l'océan Muliding. Légende de Tsangpa, Brahma. Tsangpa, Un des disciples du Bouddha s'était retiré dans les forêts, il était sur le point de découvrir les secrets de la doctrine du Bouddha, grâce à une méditation extraordinaire et à la pratique de toutes les vertus. Quand un doute pour lui apparut sous la forme d'une femme splendidement belle qui lui offrit des friandises délicieuses. Tsangpa accepta sans défiance, bientôt il s'enivra et dans sa fureur tua le bélier sur lequel le démon chevauchait. Cette action violente lui fit perdre le fruit des bonnes œuvres amassées avec tant de peine et jamais il ne put atteindre un rang plus élevé que celui de simple suivant, ou Upasaka, tibétain jeune hyène. Plein de rage contre les esprits malins, Tsangpa fit un serment affreux entre les mains du Bouddha Vajradhara, promettant d'employer toutes ses forces à exterminer la race pernicieuse qui lui faisait perdre son rang. Légende de Chakdor, Vajrapani. Cette légende se trouve dans le livre Drimet Shelfreng, Guirlande de cristaux sans tache. Il y a fort longtemps, les Bouddhas se réunirent un jour sur le sommet du mont Meru, pour délibérer sur les moyens de se procurer l'eau de la vie, Dutsi, sanskrit en Rita, qui était cachée dans les profondeurs de l'océan. Dans leur bonté ils voulaient la distribuer à la race humaine, comme un antidote puissant contre le violent poison à l'Ala, dont les démons se servaient à cette époque, avec un malfaisant succès, contre l'humanité. Pour se procurer ce contre-poison ils résolurent de barater l'océan avec le mont Meru afin de faire venir à la surface l'eau de la vie. Ainsi fut fait l'eau remise à Vajrapani, avec l'ordre de la tenir en sûreté jusqu'à une prochaine réunion, dans laquelle on devait distribuer cette eau bienfaisante aux humains. Mais le monstre Rahu, tibétain d'Achan, un laméen, entendit parler de cette précieuse découverte ayant soigneusement épié les mouvements de Vajrapani, il saisit l'occasion d'une absence du dieu pour boire toute l'eau de la vie, puis il s'épancha dans le vase devenu vide. Alors il s'enfuit aussi vite que possible et se trouvait déjà bien loin quand Vajrapani survint et, s'apercevant du larcin, se mit à la poursuite du coupable. Dans sa fuite Rahu avait déjà dépassé le soleil et la lune, les menaçant de sa vengeance, s'il s'avisait de le trahir. Les recherches de Vajrapani étant infructueuses, il interrogea le soleil sur Rahu. L'astre du jour répondit évasivement qu'il avait bien vu passer quelqu'un, mais qu'il y avait longtemps et qu'il n'avait pas pris garde qui ce pouvait être. La lune répondit franchement, demandant seulement à Vajrapani de ne le point répéter à Rahu. Sur ces renseignements le démon fut bientôt pris, Vajrapani le frappa d'un tel coup de son sceptre que le corps fut fendu en deux, la partie inférieure fut entièrement séparée. Les Bouddhas se réunirent de nouveau afin de choisir le meilleur moyen de se débarrasser de l'urine de Rahu. La répandre eût été dangereux pour les vivants, à cause de la grande quantité de poison à l'Ala qu'elle contenait, ils décidèrent que Vajrapani la boirait en punition de la négligence qui avait causé la perte de l'eau de la vie. Il dut s'exécuter et, par l'effet de cette boisson, son beau teint doré devint subitement noir. Il en conçut une haine violente contre tous les démons et particulièrement contre Rahu, qui, grâce à cette eau salutaire, survivait à toutes ses blessures. Cette eau toute puissante dégoûtant de ses blessures, tomba sur la terre et, là où elle toucha le sol, fit éclore les plantes médicinales. Les Bouddhas infligèrent à Rahu une punition sévère, ils en firent un monstre horrible, Une queue de dragon remplaça ses jambes, sa tête brisée en forma neuf autres, ses blessures principales devinrent une gorge énorme. Les plus petites furent changées en autant d'yeux. Raouss était toujours distingué par sa scélératesse, les dieux eux-mêmes dans leur jeunesse avaient eu à souffrir de ses méchancetés, il devint après sa transformation plus redoutable que jamais. Il tourna surtout sa rage contre le soleil et la lune qu'il avait trahis, constamment il essaie de les dévorer, particulièrement la lune qui s'est montrée plus hostile à son égard. En s'efforçant de les dévorer, il les cache aux yeux, ce qui cause les éclipses, mais il y peut réussir à les détruire, grâce à la vigilance incessante de Vajrapani. Cette légende tire son origine des récits hindous, d'où elle est tirée presque sans altération. Selon ceux-ci, l'eau de la vie, Amato, fut récoltée en barattant l'océan et distribuée entre tous les dieux. Raouss, monstre avec une queue de dragon, se déguisa en dieu et en reçut une portion, sa faute fut dénoncée par le soleil et la lune, et Vishnu lui trancha la tête, mais le liquide nectar rien lui assurait l'immortalité. Prière. Les prières sont, dans le sens usuel du mot, des appels à la divinité pour implorer son secours, ou des remerciements et des louanges pour les grâces obtenues. Le bouddhisme primitif ne les connaît que sous forme d'hymnes pour honorer et glorifier les bouddhas et bodhisattvas d'avoir enseigné aux hommes, par leurs paroles et leur exemple, le vrai chemin qui mène à Nirvana. Dans le bouddhisme Mahayana, l'homme n'est pas dirigé seulement par des enseignements, il peut espérer l'aide et l'assistance divine, car les bodhisattvas, au lieu d'imiter le calme des bouddhas, errent continuellement dans les mondes pour assurer aux hommes, par leur puissante assistance, l'obtention de l'éternelle félicité. Ici nous trouvons des prières qui, dans leur première forme du moins, ne présentent pas le caractère de demande ou de remerciement, mais expriment seulement le souhait du dévot d'atteindre haute faculté dont jouissent les bodhisattvas eux-mêmes. D'après les légendes, toutes les fois qu'un bouddhiste accomplit quelque action méritoire, il prononce ces mots. Puissais-je être délivré de toute peine par le mérite de cette action et puissais-je conduire tous les êtres à la délivrance par mon exemple et mes actions. Dans les ouvrages qui appartiennent à la dernière école Mahayana et aux écoles mystiques nous trouvons ces souhaits liés intimement au dogme de la charité illimitée des bodhisattvas envers les hommes. Comme exemple je citerai un tantra du Kanjur, dans lequel sept bouddhas imaginaires souhaitent, tout en pratiquant une vie de sainteté pour devenir bouddha, que tous les êtres animés, ou créatures, qui souffrent telle ou telle sorte particulière de misère ou de détresse puissent, au même moment où eux deviendront bouddha, jouir de toutes sortes de prospérité et de bonheur. Dans les écritures sacrées de tous ces systèmes, les bouddhas mythologiques, habitant des diverses régions en dehors de la terre, sont fréquemment implorés par des prières dans la stricte acception du mot. Le récit des prières est recommandé comme le meilleur expédient pour effacer les péchés, et écarter les obstacles qui empêchent d'obtenir l'émancipation finale. Telle est aussi dans le Tibet, l'opinion actuelle sur la prière, tibétain, mon lame. La confiance générale des bouddhistes tibétains en son efficacité est due principalement à ce qu'elle jouit du caractère et possède les vertus des dharani. Les prières sont dotées de pouvoirs surnaturels et exercent une influence magique sur les divinités auxquelles elles sont adressées. Il est clairement évident que c'est là leur but, par la forme même de maintes prières, qui ne sont ordinairement que de simples incantations. Voici par exemple une invocation à la déesse Lamo. Accours à mon aide de la région nord-est entourée par le grand océan Mouliding, je t'en conjure par la lettre bleue Oum, tracée sur mon cœur, qui répand un rayon de lumière par ses crochets de fer, toi, la souveraine et puissante maîtresse, reine Rimat et tes serviteurs. D'autres prières sont par leur forme, des louanges, ou des hymnes, ou des supplications où figure le nom de la divinité implorée, comme celle-ci, Om Vajrapani Om, d'autres fois le nom est Omi, comme dans la célèbre prière à six syllabes, Om Mani Padme Om, O, joyau dans le lotus, Amen. Cette prière est une invocation à Padmapani, à qui est attribuée sa révélation au tibétain, c'est la plus usitée de toutes, et par cette raison elle a excité la curiosité des premiers visiteurs du Tibet. Son véritable sens fut longtemps douteux, c'est seulement par les plus récentes recherches qu'on a pu le déterminer d'une façon positive. On sait que le lotus, Nymphos Nelimba, Liné, est le symbole de la suprême perfection. Il rappelle dans ce cas la jeunesse de Padmapani, qui est issue de cette fleur. Chaque syllabe de la prière possède un pouvoir magique spécial, peut-être que cette croyance a aidé à sa vulgarisation plus encore que l'origine divine qu'on lui prête. Dans un cylindre à prière que j'eus occasion d'ouvrir, je trouvais cette sentence imprimée en six lignes et répétée un nombre de fois incalculable sur une feuille de 49 pieds de long sur 4 pouces de large. Quand le baron Schilling de Kenstadt fit sa visite au temple Souboulin en Sibérie, les lamas étaient occupés à préparer 100 millions de copies de cette prière pour les mettre dans un cylindre. Ils acceptèrent avec empressement l'offre d'en faire exécuter le nombre nécessaire à Saint-Pétersbourg et en retour de 150 millions de copies qu'il leur adressa, il reçut une édition du Kanjur qui comprend près de 40 000 feuillets. Quand les lettres de cette sentence ornent le commencement des livres religieux, ou sont gravées sur les revêtements des murs à prière, elles sont souvent combinées en forme d'anagramme. Les lignes longitudinales qui se trouvent dans les lettres, Mani Padme Hum, sont tracées serrées les unes contre les autres et, à gauche, sont appendues à la ligne longitudinale extérieure les lignes courbes. La lettre Om est remplacée par un signe symbolique au-dessus de l'anagramme. Ce signe représente un croissant surmonté d'un disque d'où sort une flamme représentant le soleil. Cette combinaison de lettres est appelée en tibétain Nimshuvangdan, les 10 entièrement puissants, sous-entendu caractère, il y a 6 consonnes et 4 voyelles. Le pouvoir de cette sentence sacrée est beaucoup augmenté quand on l'écrit dans cette forme. Ces anagrammes sont toujours bordés par un cadre représentant la feuille du figuier. Markandanarchive.org 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.